Au bonheur des dames, d'Émile Zola. Dans les 20 volumes de son Histoire naturelle et sociale sous le Second Empire, Émile Zola fait paraître, en 1883, Au bonheur des dames, le 11e volume. Pour vous donner, en 1h15 environ, un aperçu de ce roman, j'ai choisi et enregistré pour vous une dizaine de passages reliés par des résumés. Vous trouverez en document annexe le détail de ces extraits auxquels j'ai donné un titre avec quelques mots tirés de l'extrait choisi, situé au moins dans le chapitre.